Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 253 sur RIG 90.7 pour la région bordelaise et www.rigfm.fr pour le reste du monde. L'album de la semaine, c'est Quelque part en Angleterre, Somewhere in England de George Harrison en 1981. On écoutera Blood from a Clone, on écoutera Unconsciousness Rules, Life Itself, All Those Years Ago, Teardrops et Baltimore Oriole en fin d'émission. Il y aura également du John Lennon, du Paul McCartney, du Ringo Starr et des Beatles. Par exemple, pour John Lennon, il y aura Power to the People. Début des années 70, en 71 si vous voulez être exact. Pour Paul McCartney, ce sera Vanilla Sky, c'est une bande originale de film en 2001. Pour Ringo Starr, il s'associera avec Chrissie Hynde pour nous chanter Don't Hang Up, tiré de l'album Choose Love en 2005. Et puis pour les Beatles, on aura par exemple Hey Bulldog. Voilà le programme de ce soir. Et ça va très bien se passer. Il fait chaud ici, il fait très chaud. Donc, mettez-vous à l'aise, montez le son, parlez aux voisins, dites-leur qu'il y a une très bonne émission sur les Beatles. Elle est là, sur RIG, le mercredi, de 20h à 22h. Et ça va très bien se passer. Vous êtes prêts? On y va, on démarre. Allez, en 1981... George Harrison prépare un album et cet album n'est pas bien vu par ceux qui la firme de disque, quoi, si vous préférez. Il lui demande de retravailler en estimant que ses chansons ne sont pas assez énergiques, ne sont pas assez bien faites. Donc il va mettre des chansons à l'écart, mais il va également proposer d'autres chansons, dont une qui s'appelle « Ils veulent le sang d'un clone ». Donc pas lui, pas George Harrison. C'est le premier titre de l'album de la semaine. L'album de la semaine s'appelle « Somewhere in England ». Et le titre du morceau que je vous propose d'écouter, c'est « Blood from a Clone ». Maintenant, sur RIG. Music. They want the blood from John Lennon à l'instant sur RIG dans la saga des Fab Four, Power to the People, sorti aux États-Unis le 22 mars 1971. Pendant que Power to the People faisait grimper les courbes des ventes, le tribunal de Londres assistait à l'effondrement des Beatles et à leur éclatement en factions violemment opposées. Lennon n'était pas très fier de Power to the People. Il en vint à considérer la chanson comme une expression de culpabilité composée pour apaiser les radicaux qui stigmatisaient sa fortune. Plus exactement, c'est Lennon dans le texte, il qualifia cette chanson de merde. Eh oui. Mais les sentiments qui étaient au cœur de cette chanson peuvent redevenir réalité. Dans une compilation vidéo de 1992, Yoko illustrera ce morceau avec les images des manifestations chinoises pour la démocratie en 1989 sur la place Tiananmen. Voilà, comme quoi, visionnaire, monsieur John Lennon. Paul McCartney, dans la saga des Fab Four. Special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. Got it all, don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. You've got it all. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky, sky. In the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla sky. C'est la... Hey, c'est la chaise. Je sais pas si on l'entend, mais au moment où j'ai branché le micro, j'ai entendu... Je préférais vous préciser que je n'avais rien fait de mal. C'est la chaise. Nous avons écouté George Harrison, John Lennon, Paul McCartney. Il nous en manque un. Il va faire un duo avec Chrissie Hynde. Je vous l'avais dit tout à l'heure en entrée d'émission. Et c'est pour Don't Hang Up sur RIG, extrait de l'excellent album Choose Love, sorti en 2005. Playing, I'll be uptown singing. n'y a personne au bout du fil. Please hang up and try again. Please hang up and try again. Ok, on rappellera. Merci Ringo Starr, merci Chrissy Hynde. C'est les 4 Fabulous Four. Il ne nous reste plus qu'à les mélanger pour que ça devienne les Beatles. Et puisqu'on parle de Beatles, on parle automatiquement de Lovely Rita. Oui, Lovely Rita, vous savez, c'est elle qui est à Londres et qui dirige le magazine Beatles Magazine que vous retrouvez sur Facebook, sur Google+, sur... j'allais dire Mythique. Non, sur Twitter. Pourquoi j'ai pensé à ça? Ça n'a aucune raison. Sur Twitter, je corrigerai ça au montage ou pas. Peut-être que je le laisserai. Et donc, grâce à Lovely Rita, vous savez tout sur John, Paul, Ringo et George, sur les amis de ces gens-là, sur les gens, les relations, quoi. Également, les animateurs qui font des émissions comme votre serviteur sur les Beatles, qui, vous pouvez savoir par exemple que Michael Onorato fait son émission tous les lundis, ça s'appelle Beatles Tonight, c'est tous les lundis soirs de 22h à minuit, dans le New Jersey. Il y a également Kyle qui fait son émission à Toronto tous les mercredis, alors c'est à 17h pour nous les Français, je ne sais plus quand c'est exactement aux États-Unis, mais faites le calcul, vous verrez bien. C'est à écouter, ce sont de bonnes émissions. Il y en a d'autres, il y en a un au Japon. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais écouté un petit peu et que c'était assez marrant parce qu'on comprend rien. Mais c'est pas grave, pourquoi pas. Il y en a un petit peu partout. J'avais demandé à Lovely Rita d'essayer de faire un compte. À partir du moment où elle a dépassé les 60 personnes qui font des émissions sur les Beatles, j'ai arrêté de regarder parce qu'il y en a donc beaucoup, beaucoup. Et apparemment... peut-être qu'en France, c'est ici, sur Bordeaux, sur Blanquefort, dans la saga des Fab Four, qu'il y a la seule émission hebdomadaire sur John, Paul, Ringo et George. Sablon, le champomis. Pouf, voilà, c'est bien. Voici donc Hey Bulldog sur RG. Je vous en parle juste après. Merci, Lovely Rita.

be kicked around no more. En 1993 que se situe cette chanson sur un single en fait de Paul McCartney. Vous vous retrouvez donc sur l'album Off the Ground, mais l'album The Complete Works. La chanson suivante, je la passe rarement parce que vous ne l'aimez pas et vous n'avez pas complètement tort. C'est une vacherie de John Lennon, mais une vacherie bien faite quand même. La chanson débute par une parodie de l'ouverture de Sgt Pepper, puis entreprend de massacrer McCartney, considéré ici comme un poids-plume au visage poupin, qui mène une vie bourgeoise entourée d'une cour de flagorneurs. L'allusion dans le verre à Another Day, le nouveau 45 tours de McCartney, avait été proposée à John par Alan Klein, le New-Yorkais que Lennon avait fait venir à Londres pour superviser les affaires des Beatles et qui était à couteau tiré avec Paul. En accusant McCartney de produire de la musique d'ascenseur, il savait qu'il pouvait compter sur le milieu jazzy pour le soutenir, mais au plus profond de lui-même, que McCartney sache encore toucher le public lui restait en travers de la gorge. Ailleurs, John lâche que les crétins avaient raison de le donner pour mort. Il fait allusion à la rumeur lancée par une radio américaine en 1969 qui prétendait, en s'appuyant sur des indices prétendument relevés dans les paroles des chansons et les pochettes des albums des Beatles, que le McCartney actuel était un imposteur, le vrai étant mort dans un accident d'automobile en 1966. How Do You Sleep, puisqu'il s'agit de cette chanson-là, provoqua immédiatement une puissante controverse. Le magazine Rolling Stones la condamna comme horrible et indéfendable. Une chanson si méprisable et égocentrique qu'elle sanctifie la victime et condamne l'accusateur. McCartney ne prit aucune mesure de rétorsion musicale. En fait, son album suivant, Wildlife, incluait même une chanson conciliante qui paraissait adressée à John, Dear Friend, cher ami. Il fit néanmoins ce commentaire, je trouve ça ridicule. Il dit que je n'ai jamais rien fait d'autre que Yesterday. Il sait que c'est faux. Lui et moi savons que ce n'est pas vrai. Lorsque John réalisa son dernier album, il chantait les louanges de la vie de famille et investissait dans les animaux de ferme, deux caractéristiques de Paul dont il s'était si violemment moqué. En 1980, les vieilles rancœurs de John s'étaient depuis longtemps calmées. Il déclara que How Do You Sleep n'avait pas été une attaque personnelle. Il compara comparera cette chanson à la vindicative Like a Rolling Stone de Dylan, un simple épanchement de sa fureur dirigé contre lui-même, tout aussi bien que contre les autres. On écoute cette chanson qui néanmoins est une chanson dans laquelle il y a quand même la moitié des Beatles. Il y a George Harrison également sur cette chanson-là. Et je crois que dans la vidéo, il dit « Allez, on va cracher le venin ». Et c'est ce qu'il fait. Voici « How Do You Sleep » sur RIG. Let's go. Saviez que cette chanson, With a Little Help from My Friends, avait été interdite à la BBC. Et oui, parce que les Anglais avaient entendu I get high with a little help from my friend, donc je vais très haut avec l'aide de mes amis, et ils en avaient déduit que c'était peut-être des substances illicites. Allez savoir, monsieur, dame. Alors que non, ils disaient tout simplement Et tu permets, oui, je vais très haut grâce à mes amis. Allez, c'est George Harrison alors pour la peine. Le jingle est parti trop tôt, tant pis pour lui. Je le couvre et l'album de la semaine, c'est Summer in England. Le titre, c'est Life Itself sur RIG. notre mystique George Harrison sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 253 et dans l'album de la semaine est Somewhere in England, sorti en 1981. En 1989, justement, puisqu'on en parle, Ringo Starr s'est associé à Buck Owens pour chanter cette chanson Act Naturally. Je vous convie à aller regarder le clip de ce morceau parce que ils sont habillés tous les deux en cow-boy et ils essaient chacun de passer l'un devant l'autre pour avoir la vedette, puisque le titre, les paroles de la chanson, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer naturellement, etc. Et ils en font des tonnes et des tonnes. C'est super mignon et ça va très bien dans le style de Ringo Starr. They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come see me in my movie. Then I know that you will claim to see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make a scene about a man that's sad and lonely, begging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I have to do is act naturally. Well, I'll bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can never tell. The movies are gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you come see me in my movie. And I know that you're gonna plainly see the biggest fool that ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make a film about a man that's sad and lonely. All I have to do is act naturally. Two, three, four. All we have to do is act naturally. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy away. many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. And still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hard. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. rien ne me fait plus plaisir lorsque sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, ou sur Maca Club, dans le groupe La Saga des Fab Four aussi, je lis ces lignes du genre, par exemple, une découverte pour moi, j'avoue que presque chaque semaine, je découvre des titres. J'adore ça, ça fait 31 ans que je fais découvrir des titres à vous, les auditeurs, et puis depuis quelques années, depuis 8 ans, je crois, aux internautes, je fais partager ma passion, et si ça vous plaît, bien c'est absolument merveilleux. Pour moi, Dig a Pony, c'est l'extrait de Let It Be Naked, sorti en 2003, mais c'est aussi sur l'album Let It Be, en 1970. Pour moi, c'est archi connu, donc je ne peux pas savoir que vous ne connaissez pas. Mais ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur de vous faire découvrir des chansons comme par exemple peut-être celle-là, A Love For You. C'est tiré de la bande originale du film The In-Laws avec Paul McCartney. Enfin, c'est Paul McCartney qui chante. Et The In-Laws, c'est sorti en 2003. Ça datait des années 70, cette chanson-là. Surely we can find. When you go, J'ai dit il y a quelques minutes que j'aimais vous apprendre des choses sur les Beatles, mais j'aime également quand vous m'en apprenez, et je suis très ouvert quand je ne sais pas, j'aime bien apprendre. Eh bien, il n'y a pas très longtemps que je sais que la chanson suivante, extraite de l'album Summer in England, s'appelle All Those Years Ago. Elle a été proposée par George Harrison sous une autre forme, donc avec un autre set de paroles, à Ringo Starr pour l'album qui aurait dû s'appeler qui s'est appelé plus tard Stop and Smell the Roses. Et puis Ringo Starr n'en a pas voulu. Et entre-temps, John Lennon est décédé. Donc, George a repris la chanson, a changé les paroles, a invité Ringo, a invité Paul, et ils ont chanté ensemble All Those Years Ago, que voici. Il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas très très longtemps, j'ignorais cette anecdote. Merci. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. But you were the way to the truth when you say all you need is love. By someone, the devil's best friend, someone who offended all. We're living in a bad dream. They've forgotten all about mankind. And you were the one they backed up to the wall all those years ago. You were the one who imagined it all those years ago. Arrivons à la 17e chanson, le moment de la cover. La cover, c'est la chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George ou les Beatles et qui est reprise par quelqu'un de célèbre ou pas. Ça peut très bien être vous. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, je reprendrai une des covers du jeune Clément parce qu'il se débrouille très très bien, Clément. Et donc, si tu m'y autorises, je programmerai une cover dans pas très très très longtemps. Donc, la cover en question actuellement, ça va faire plaisir à Jean-Philippe Fab Four. C'est Eric Clapton qui, pour le concert For George, nous a chanté Beware of Darkness sur RIG. Chapman. Take care, be well, the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you. Them soft shoe shuffling. Some of the guys now are shaking my love away from me. Come now. And Liverpoolese, they'll be glad all over. Ain't no doubt about it, this must be love. I want a little kiss from you and I feel final over. Ooh, mercy, I don't really silly, but I'm level over. Get a goosebumps, baby, cause it feels so good when you come to me like you do and I feel final over. Never thought to make love. It don't take much looking to see what I got, but it's yours. It's yours. You're my honey bunny, and one more time. Every time you do, well I feel right all over. Ooh, baby, I don't really tell you, but I'm right all over. Tell you I'm a cooking inside when we're cheek to cheek. My temperature's low, fever is high, against me. And you weak, wait, come on, party, party, give me one more time. Every time you do, well, I feel battle over. Ooh, baby, I don't feel it silly, but I'm battle over. I don't feel it silly, but I'm battle over. Deux extraits du Live at the BBC, les Beatles forcément dans les premières années, Some Other Guy d'abord et Glad All Over ensuite. Nous sommes maintenant en 1974, faut se dépêcher, il reste que 35 minutes, un peu plus de 35 minutes d'émission. Nous sommes en 1974 sur l'album Walls and Bridges et le titre du morceau c'est What You Got sur RG. On monte le son, on en fait profiter ses voisins. C'est la radio des Beatles le mercredi soir de 20h à 22h. La saga des Fab Four. Until you lose it. John avait quand même une sacrée voix pour le rock'n'roll, hein, parce que essayer de chanter en hurlant comme ça, eh bien, soit vous vous donnez à fond et ça donne quelque chose de pas trop mal, soit c'est parfaitement ridicule. Donc je n'ai pas mis le micro sur cette fois-là. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Somewhere in England, sorti en 1981 par Monsieur George Harrison. Et le titre du morceau que je vous propose d'écouter, c'est Teardrops sur RIG. Petit plaisir 2015, le nouvel album de Ringo Starr, Postcards from Paradise sur RIG. I search here, there and everywhere, until I saw you standing there. I am the greatest fan of you. too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by, and if you do, please tell me why. Your love away, but if your heart is bad to me, it's only love I let it be. Postcards from paradise, with all my loving I'll be true. Yes, I love you. Postcards from paradise, I wouldn't trade you for no one. I see your face, here comes the sun, and I ain't going nowhere, man, because I want hold your hand. It's like I said the night before, I love you when I'm 64. Que si je ne me trompe pas, je viens de faire une recherche internet, Postcards from Paradise serait rentré à la 15e place dans le Billboard américain. 15e place pour un album de Ringo Starr, c'est plutôt très très très bien. Champion, merci Ringo. chanson fut d'abord en 1978 un morceau intitulé Stranger's Room. Dans cette version, elle évoquait une escapade amoureuse. Mais John préféra prétendre qu'elle se trouvait son origine aux Bermudes, après qu'il eut essayé de téléphoner à Yoko à New York. Yoko lui avait brièvement rendu visite durant ce voyage, puis elle était retournée à son bureau du Dakota, où John avait toutes les peines du monde à la joindre. Ce qui, raconta-t-il plus tard, le rendait fou furieux. Il se sentait solitaire et perdu. Pourtant, I'm Losing You est d'abord une chanson sur les disputes domestiques. Les Lennon furent souvent accusés d'utiliser Double Fantasy, dont est extrait cette chanson, et les interviews attenantes pour dresser un portrait idyllique de leur mariage. Mais comme toujours, leur chanson ne cherche en rien à masquer la vérité. Il n'y a rien d'étonnant à ce que I'm Losing You évoqua pour John la terrible période de 1973, l'année où Yoko composa un Moving On et le chassa de la maison. Nous ne pouvons savoir si l'histoire s'apprêtait à se répéter, mais I'm Losing You prouve au moins que Double Fantasy est un album d'une complicité émotionnelle plus grande que ce que bon nombre de ses détracteurs étaient prêts à admettre. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson, I'm Losing You, sur RIG dans la saga des Fab Four. Peace of mind. Oh. time when the world's a better place to be happy. I long for the day when the people who went to sleep will awake. One by one I improve my conditions. It doesn't feel like I want it to be. Doesn't feel like I wanted it to be. Doesn't feel like I want it to be. I need the comfort of love. Any place and any time. I need the comfort of love. Just to get me some peace of mind. Tiré d'un jingle Fine Line en 2005, Monsieur Paul McCartney. On se dépêche parce que ça passe, et il va falloir que je déprogramme certaines chansons. Voici l'une des plus belles chansons de George Harrison. C'est une reprise, Baltimore Oriole, tiré de l'album Summer in England, sorti en 1981.

Venez. On est marre, moi. Je suis la cause. LG 90.7, la radio des Beatles. Good night everybody, see you next time. Et je vous laisse entre de très bonnes mains. Enfin, je ne sais pas, mais on peut le voir quand même, même quand on est côte à côte. C'est celle d'Eric. Eric, qu'on appelle Mister Science, qu'on appelle Monsieur Capello, celui qui sait tout de A à Z sur Johnny. C'est dans quelques instants sur RG. Bonne semaine et à la prochaine fois en tout cas. Je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine, mais on en reparle. A ciao, bonsoir. bulles.